Voilà, c'est l'intempestive. Mesdames, messieurs, notre TGV arrivera dans quelques instants en gare de Calaisville, son terminus. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage. Avant de quitter votre place, assurez-vous de n'avoir rien oublié. Nous vous souhaitons un bon après-midi. On pourrait être à Boulogne, à Saint-Omer, à Bailleul, je pense que... Alors, vous savez qu'on est dans le nord, quoi. C'est les murs en briques, des petites maisons, un ou deux étages. Et pour l'instant... Les exilés sont invisibles. Oui, mais même... De toute façon, les gens, ils sont dans leur voiture. C'est pas compliqué, hein. Les 12 et 13 décembre 2008, on s'est rendu avec Guillaume à Calais afin de réaliser un documentaire sur la situation des exilés. Il faisait froid, on voyait beaucoup de policiers. On va voir si... Normalement, c'est la rue de la Commune à gauche. Ah oui, une rue de la Commune de Paris, malgré tout. C'est parce que c'est une ancienne municipalité PC, donc... Je pense qu'on va trouver des... Ils n'ont pas débaptisé l'ensemble des rues, je pense. Et il doit rester quelques vestiges du temps glorieux où le parti du prolétariat en lutte... Non, le parti de la classe ouvrière. Oui, parce que là, c'est celui de la majorité présidentielle qui est à la tête de cette ville maintenant. Ça a changé, donc je ne sais pas ce que ça donne. À notre arrivée, on avait passé quelques heures à se balader dans la ville pour la découvrir. C'était une ville de maisons ouvrières. On avait été frappé par le nombre de magasins en faillite, de vieilles devantures, de bâtiments murés. Là, on est d'est en ouest et donc c'est la grande avenue qui coupe la ville en deux. Et il n'y a pas un immeuble neuf. C'est que des vieux trucs. Extrait du compte-rendu du Conseil des migrants du vendredi 19 septembre 2008 en mairie de Calais, par Francis Geste de Cessure, posté sur Indymédiaville. Sa résidence ici. Ce n'est que trois jours avant la tenue de cette réunion que le collectif Cessure a été invité. Nous avions droit à trois représentants. Jean-Pierre Boutouaille, Monique Delannoy et moi-même, Francis Geste. Autour de la table, Natacha Bouchard, maire, Philippe Blais, premier adjoint et président de la communauté d'agglomération des communes, et six autres conseillers municipaux, dont M. Mignonnet, adjoint à l'environnement, et M. Deguin, adjoint à la culture. En plus des trois représentants de Cessure, il y avait trois personnes pour Salam et deux pour le Secours catholique. Nous avons fait remarquer que le collectif comprenait une dizaine d'associations et que donc plusieurs n'étaient pas représentées. La Belle Étoile, qui n'avait pas été invitée en tant que telle, la Ligue des droits de l'homme, assez. Les grands absents de ce conseil sont les migrants eux-mêmes. Natacha Bouchard ne veut pas en entendre parler, même pour des personnes actuellement régularisées. Si les échanges ont été corrects et courtois, l'ambiance était plutôt fraîche. On sent bien que sur le fond, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Pour Madame Bouchard, les migrants sont des clandestins et ils ne doivent pas être là. Elle est prête à aider pour les envoyer dans des centres d'hébergement hors de Calais. Je cite, « S'ils refusent de partir, c'est qu'ils choisissent leur situation. » Pour Madame Bouchard, les migrants sont une gêne pour les Calaisiens. Je cite, « Ils sont de plus en plus nombreux en centre-ville et la population a de plus en plus de choses à subir. » Elle dit avoir de nombreuses plaintes car les migrants font, je cite, « des dégradations perpétuelles et rendent très sales les lieux où ils passent, voies ferrées, quai de la Moselle. » Elle dit que c'est un problème d'hygiène, que les services de nettoyage passent et que ça redevient aussi sale le lendemain, qu'il va falloir dératiser. Philippe Blais dit, je cite, « être compréhensif par rapport à la terrible situation des migrants, mais comprendre aussi que la présence de nombreux réfugiés puisse donner parfois à certains une impression d'insécurité. » Donc, il n'y aura plus de squats tolérés en centre-ville. On peut s'attendre très prochainement à des évacuations, notamment sur le site Panier et le Clos Saint-Pierre. La jungle sera, je cite, évacuée et nettoyée. Le fait de prévenir à l'avance dans ce cas les associations a été évoqué. Le quai de la Moselle est un lieu insupportable pour Madame Bouchard, et la mairie essaye de trouver un autre lieu pour les repas, avec un petit abri comme au quai Paul Deveau. Monsieur de Massieu fait remarquer que l'Algeco coûte cher aux contribuables, 10 000 euros par an. Nous avons renouvelé notre demande d'un lieu d'accueil et d'orientation. La réponse est nette, c'est non. car ce serait, je cite, un appel d'air. Monsieur de Massieu insiste, je cite, si on faisait un centre d'accueil, au début il y en aurait 200, le mois suivant 400, et dans un an il y en aura 1000. Premièrement, pour refuser un centre d'accueil, c'est une théorie erronée qui ne tient pas la route qui est mise en avant. Chacun sait en effet que les conditions de vie à Calais sont terribles pour les migrants, avec en plus le harcèlement policier. Or les réfugiés viennent quand même et sont plus nombreux que du temps du camp de Sangatte. Ils sont là car chez eux c'est devenu insupportable et parce qu'ils veulent aller en Angleterre. Deuxièmement, on a l'impression qu'on nous renvoie la balle pour la propreté, tant pour les bénévoles que pour les migrants, et qu'on nous rend responsables de l'état du terrain vague qu'est de la Moselle. Avec des poubelles insuffisantes, des douches insuffisantes, très peu de toilettes, les migrants ne peuvent pas avoir une hygiène convenable, ce qui les fait beaucoup souffrir. Les très mauvaises conditions des repas, sous la pluie, dans les flaques d'eau, au vent, accroupis par terre, n'incitent pas non plus à se déplacer vers la poubelle si elle est loin. Troisièmement, nous tenons à faire remarquer qu'il n'y a pas en règle générale de comparaison possible entre les souffrances des réfugiés et les éventuels désagréments subis par les Calaisiens. Et dans le journal local, dans la presse locale qu'on a achetée, là, on a pris La Voix du Nord et Nord Littoral. Et dans La Voix du Nord, il y a une très belle page sur la nouvelle déchetterie qui va ouvrir demain, donc samedi 13 décembre à Calais, vraiment avec tous les renseignements qu'on peut vouloir. Et puis en vis-à-vis sur la page d'en face, il y a un microscopique encart sur, sur une manifestation de 450 migrants à Calais devant le square Richelieu. À l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, où il y a donc eu une manifestation à l'initiative de Salam, apparemment, organisée devant ce square, où ils ont fait la distribution du repas du soir, alors qu'habituellement, elle est plutôt faite sur les quais. Mais bon, il faut reconnaître aussi que dans donc, l'autre journal local... Dans Nord Littoral... Littoral, il y a un même papier, un papier sur le même événement. Un peu plus conséquent. Oui. Un peu plus fourni. Dans la page fait d'Isère, alors que l'autre, je ne sais pas dans quelle section il est traité. Et qui explique dans Nord Littoral d'ailleurs le fait que cette manifestation, elle s'est tenue à un moment où des associations qui organisaient des distributions de repas ont décidé de ne plus le faire. Depuis pas longtemps du tout d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont dans ils contestent en fait la politique de la mairie par rapport à ça. Et on va sans doute en discuter avec Salam. Tu as regardé dans le... Vous préparez combien de repas ? Pour combien ? À peu près 400. 400 ? 400 personnes. Et tous les jours ? Oui. Tous les jours, il y a une équipe qui prépare pour 400 personnes. Et vous êtes combien de bénévoles à ça ? À participer à la préparation des repas et aux actions, tout ça ? Et la distribution, etc. Une bonne cinquantaine. Ouais. Ouais. On a une équipe différente chaque jour, du lundi au vendredi. Et puis, ma sœur et moi, on le fait trois fois dans la semaine. Puis après, il y a une équipe différente. Donc, et puis des réguliers à la distribution. Voilà, ça fait une cinquantaine en tout. Ça, c'est en été comme en hiver ou c'est qu'en hiver ? En été comme en hiver, sauf que vraiment en été, on a une période d'un mois de répit, quoi, à peu près. Donc voilà. Quand même 11 mois sur 12, quand même. Je vais la rendre. 6, 28, 4. On est allé aux locaux de l'association Salam, la seule qui ait répondu à nos demandes d'entretien ce jour-là. On y a rencontré des bénévoles, des gens qui venaient filer un coup de main, et on a longuement discuté avec Sylvie Copiance sur la situation à Calais. Vous êtes donc une radio militante de Paris. Ouais, associative. Comment elle s'appelle ? Fréquence Paris Pluriel. Vous arrivez de Bretagne alors ? Vous allez rester quelques jours ici pour leur finir un coup de main ? Jusqu'à dimanche, je pense que je sois rentré lundi soir avec le petit camion on fait la route sur 2 jours. Donc voilà, j'ai répondu à un appel sur un article de journal. Ah ouais, d'accord. Nouvellement retraité, je dis bon, ben voilà, il y a des choses qui se passent qui me touchent profondément, qui me donnent envie de me mettre en colère. Alors plutôt que de me mettre en colère, qu'est-ce que je peux faire quoi. Puis, c'est comme ça que de fil en aiguille, il y a des amis qui m'ont trouvé, des amis qui m'ont prêté une camionnette, ben, des gens que je ne connaissais même pas d'ailleurs, qui m'ont prêté une camionnette, d'autres qui m'ont amené des vêtements, des couvertures, une association sur la boule qui m'a donné un paquet de couvertures aussi pour... c'est comme ça que ça s'est fait. Parce que savoir qu'il y a des gens ici qui sont à Calais, autour de Calais, dans une région qui pour moi breton est très froide, et qui dorment dehors, qui ont besoin de couvertures, c'est... Mais il n'y a pas de hasard, il y a 14-15 ans de ça, moi j'ai failli me retrouver à la rue aussi. Et s'il n'y avait pas eu des gens à me donner des couvertures. Bon. Donc il y a des choses qu'on n'oublie pas. Quoi. Votre prénom c'est quoi ? Jackie. Ça c'est Calais Nord, tout a été détruit après. C'est d'abord bien, c'est ce que c'est. Ah oui. Voilà. Nous, c'est ouais, mais ils sont, voilà, sans donne boulevard des Alliés, oui. L'église Saint-Paul. Nous, en fait, on donne à manger ici, là, sur cette petite portion. Là. D'accord, mais c'est ce qu'on voyait. Voilà. Donc après, on prend. On vient par ici, voilà, on passe sur un pont qui se lève. Ici, c'est toute la zone, c'est la gare maritime, le ferry, tout ça. On continue. Ça, c'est pour aller vers l'autoroute. À la sortie du ferry, ils prennent l'autoroute, ils s'en vont. Et la jungle, eh ben, c'est l'espace ici, voisin, oui. Mais il y a d'autres endroits aussi. D'accord. Une petite jungle, une grande jungle, enfin bon, c'est... bon Sylvie elle sait à quels endroits ils se trouvent exactement. D'accord. Et comment ils se déplacent eux, s'ils sont à pied ? Ah toujours. Ah pour marcher ils marchent. Oui. Hein. Ah ouais là ça fait un... Mais vous savez quand ils reviennent de Belgique à pied ici... Ils reviennent de Belgique à pied ? Bah oui, parce que c'est un jeu pour les flics, les CRS ils les emmènent dans d'accord. Leur petit camion très loin. Très loin. Et puis ils les lâchent et puis après ils reviennent. Ouais, pour c'est tout ça. Comme ça. Jusqu'en Belgique, ils les emmènent. Ouais. Et ils reviennent en Belgique. Parce que si en plus, par exemple, ils ont eu leur première arrivée, c'était en Belgique, ils ont eu leurs empreintes prises en Belgique, donc ils vont les reconduire en Belgique, puis le lendemain, bah, ils sont là, quoi. Ils marchent. C'est combien de kilomètres d'ici Les CRS, quoi. Ah, ça, on sait où passe notre argent, hein, ça, c'est clair. Hein. La Belgique, ça compte kilomètres d'ici ? La Belgique, combien de kilomètres, Corinne ? La Belgique, ici ? Ouais, 80, un truc comme ça. Hein. Bon, ça a beau être plat, il faut quand même les faire. Hein. Vous savez, ils ont des pieds en anéthore. Des chaussures, quand ils reviennent, ils demandent des chaussures. Parce qu'évidemment, c'est... C'est pour ça qu'il y a plein de camionnettes de CRS avant d'arriver en passant par Sangatte, on est arrivé par oui. Sangatte. Ils sont au VVF, ils logent au VVF. D'accord, voilà. Il y a plein de camionnettes de CRS. Ah oui, voilà, ils sont là. Ils logent au VVF et puis... Sauf les 2 mois d'été où le VVF, évidemment, il est utilisé pour les gens qui vont dans les VVF. Uh-huh. Donc, eux logent dans la tour des appartements étudiants l'été. Vous nous disiez là que d'un côté, il y a les Afghans, les Iraniens, les Kurdes. De côté, les Africains. Oui, en fait, ils ont chacun un peu leur territoire. Les zones qu'on appelle les jungles, c'est-à-dire les bois autour de Calais, sont principalement occupés par les Kurdes irakiens, par les Afghans, quelques Iraniens. Et puis ensuite, les maisons, les squats, un quai long à Calais Nord, c'est occupé par les Africains et les Arabes. Il y a quelques Arabes qui sont arrivés cet été et qui sont restés là. Africains, c'est principalement des Érythréens, des Somaliens et des Soudanais. Ah oui. Ouais. Et au niveau des Arabes, c'est principalement des Égyptiens. Je pense qu'il y en a qui viennent de Syrie. Mais bon, c'est des fois difficile parce qu'ils ne disent pas vraiment le pays d'où ils viennent. C'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est des gens de cette région-là, de toute façon. On a eu pas mal de baraques abandonnées, quand on s'est baladé, nous, dans la ville. Il faut donner les endroits parce qu'ils les recherchent, les Africains. Le problème, c'est que les maisons abandonnées, quand elles sont squattées, 2-3 jours après, elles sont fermées définitivement parce que la police passe régulièrement et repère où est-ce qu'il y a des squats. Donc, systématiquement, c'est fermé. Comme a été fermé un grand squat qui était près de la gare de Calais, un squat qu'on appelait le squat panier, c'est des usines, des bâtiments désaffectés, où il y avait plus de 300 Africains avec des femmes et des gosses. Et ils ont décidé en octobre de fermer brutalement en expulsant les femmes, les enfants, etc., qui se sont retrouvés dehors. Alors, il y avait une solution qui leur a été proposée, c'est-à-dire demander l'asile en France et auquel cas accéder à des CADA. Bon, la plupart ne voulaient pas demander l'asile en France. S'ils sont sur Calais, c'est parce que l'Angleterre est à 35 km. Et que, de toute façon, vu ce qu'on leur fait subir à Calais, ils n'ont pas franchement envie de rester en France. Ils se posent même peut-être pas la question, d'ailleurs. Et tous les gens qui sont là, ils vont passer en Angleterre, il n'y en a aucun qui ont besoin de rester ici. Ils pourraient rester en France, parce que bon, notamment chez les Afghans, il y a beaucoup de mineurs, il y a beaucoup de gosses en dessous de 18 ans qui pourraient être pris en charge par la France, qui pourraient faire leurs études, avoir un boulot, et puis ou rester en France, ou pourquoi pas repartir en Afghanistan ou dans un autre pays quand la paix sera revenue. Bon, c'est des jeunes qui... déjà, pour arriver à Calais, il faut être super courageux, des merdards, et puis il faut être un combattant, et c'est des gamins qui mériteraient qu'on leur donne leur chance, parce qu'ils pourraient réussir en France. Mais bon, ils n'ont pas toujours non plus le choix de leur destination. Bon, s'ils vont en Angleterre, c'est des fois parce qu'il y a une partie de famille, ou des cousins, ou des amis. Il y a 6 ans de ça, quand ce Sarkozy, là, de Nagui Bosca, a fermé Sangatte, les gars qui arrivaient, c'était pour aller en Angleterre, pour avoir des papiers. Et bien souvent, ils étaient régularisés, ils avaient des papiers. Bon, maintenant, ils savent de toute façon que c'est de plus en plus dur, parce que les copains n'ont pas de papiers, ou leur famille, etc. Donc, ils savent que c'est plus dur l'Angleterre, mais par contre, il reste toujours le fait qu'ils parlent un peu l'anglais, qu'ils peuvent travailler au black. Bon. Et ça a toujours cet attrait-là, quoi. Mais bon, c'est pas forcément le dernier pays qu'ils vont traverser. Hein. Après, peut-être qu'ils partiront en Norvège, en Suède. Voilà. Il y a le Canada aussi qui revient de temps en temps dans leur discours. Bon, c'est très cyclique. À chaque fois qu'ils entendent régularisation dans un pays, ils disent « Oh, il faut que j'aille là ». Et malheureusement, bien souvent, quand ils ont entendu régularisation, c'est trop tard pour qu'ils y accèdent. Quoi. Donc, bon, il y en a pas mal qui restent 4-5 ans. Et au bout de 4-5 ans, en Angleterre, il y a eu des régularisations, là. Oui, parce que justement, les gens qui sont ici, à part les jeunes dont vous parliez tout à l'heure, c'est qui, en fait, les migrants ? Est-ce qu'ils ont... au niveau socio-professionnel, vous voulez dire ? Il y a de tout. Hein. Bon, en Érythrée, c'est souvent des jeunes qui ont commencé les études, qui parlent assez bien l'anglais, pour la plupart. Bon, après, il y a des jeunes femmes, parce que les femmes, elles ont la même situation là-bas, à savoir qu'elles peuvent être enrôlées aussi dans l'armée. Hein. Donc, il y a beaucoup de femmes africaines. Après, au niveau des Kurdes, les Kurdes irakiens, j'ai vu des professeurs, des bergers, des agriculteurs, enfin, il y a un peu de tout. Au niveau afghan, ils sont super jeunes. Donc, ils n'ont pas forcément été à l'école très longtemps, mais il y en a qui parlent. Il y a des gamins de 15 ans qui vous tiennent un discours comme un adulte de 30 ans pourrait tenir, avec un anglais parfait et puis une maturité qui ne colle pas du tout avec eux, quoi. Ça, c'est ça aussi qui est grave, c'est qu'on oblige les gamins de 14-15 ans à partir de chez eux comme ça. Enfin, on oblige. Les événements les obligent à partir de chez eux. Et ça y est, ils sont devenus adultes. Il y a toute une partie de leur personnalité qui va être gommée. Là, l'adolescence, on fait des conneries ou rencontre les premiers émois amoureux, tout ça. Il y a toute une partie qui est partie. Et puis, ils se retrouvent avec des décisions d'adultes, un monde d'adultes, etc. Par contre, il y a aussi en Angleterre des charters pour l'Afghanistan, des charters qui sont réguliers, alors que personne... on l'a su, en fait, voilà. Nous, on l'a su, on a évité de très près le charter pour Kaboul. Parce que bon, au départ, c'était pas vrai, que ce soit le préfet, le sous-préfet ou le ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'expulsion de prévu, etc. Et nous, on avait eu par l'intermédiaire d'un Afghan qui était détenu en Angleterre en prison. Quand ils sont expulsés vers Kaboul, ils ont une espèce de feuille de route avec le nom, le numéro de l'avion, le vol, l'heure, etc. Et donc, on avait su qu'il y en avait un qui était prévu le 11 novembre. Or, bizarrement, ils avaient vidé complètement le CRA. Alors, c'est vraiment vidé, hein. Et ils arrêtaient que les Afghans. Donc évidemment, on s'est dit quelque chose, on est allé au tribunal. Moi, je suis allée un matin au tribunal et effectivement, il y avait le représentant du préfet qui était là, ce qui est très rare. Et il a demandé systématiquement l'expulsion vers l'Afghanistan. Donc les gars, au début, ne pensaient pas en fait que c'était possible. Ils pensaient que c'était pour leur faire peur, etc. Mais nous, on avait des infos qui nous confirmaient qu'effectivement, eh bien, un vol qui allait partir à côté d'Istro, un aéroport londonien militaire, pour Kaboul avec une escale à Lille. Alors, quand on a vu qu'il y avait une escale à Lille, on a dit c'est malheureusement pas du bluff, c'est sérieux. Donc on s'est mobilisé, on surcalé. Après on a alerté les réseaux parisiens avec des amis, etc. Il y a eu des manifestations conjointes entre Lille, Calais et Paris. Et il y a eu surtout un coup de bol, c'est le prix Goncourt qui a été attribué à un Afghan. Atik Rahimi, et Atik Rahimi, il était au courant de la situation par une amie, j'ai une amie iranienne qui est cinéaste et qu'il connaît très bien. Donc elle avait déjà depuis le début parlé de ce qui se passait ici, ce qui était en train de se préparer, et il a systématiquement parlé de la situation calaisienne en ce qui concernait ces Afghans, parce qu'il y en avait 57 qui étaient retenus au centre de rétention. Et toute cette mobilisation-là, bon, les associations nationales qui, pour une fois, se sont manifestées en ce qui concerne la situation calaisienne, parce qu'on ne peut pas dire que les grandes associations se mobilisent pour ce qui se passe ici. Il a suffi qu'une se décide, les autres ont suivi, et ça fait bouger, etc. Et on en a parlé, et les journalistes, etc. Et lundi après-midi, juste la veille du départ pour Kaboul, on a eu une dépêche qui est tombée de l'AFP en disant que le vol était annulé. Et bon, le vol est quand même parti d'Angleterre. On l'a su par des journalistes qui sont à Kaboul, qu'on avait contactés. Et il y a quand même des vols. Et il y en a qui sont programmés régulièrement. Par contre, en Angleterre, apparemment, il n'y a pas de mouvement d'association. Et même, c'est très secret, parce que même des Afghans que je connais qui sont à Londres n'étaient même pas au courant qu'il allait avoir un charter pour Kaboul. C'est pas sur PNB, parce que quand ils arrivent à passer en Angleterre, il y a un réseau d'entraide, de soutien, un peu comme ici. C'est tout à fait différent. Bon. En fait, quand ils vont en Angleterre, s'ils n'ont pas d'empreinte prise dans un autre pays européen, et surtout s'ils n'ont pas demandé l'asile dans un autre pays européen, ils ont intérêt à se présenter à la police et à demander l'asile. Auquel cas, pendant ce temps-là, ils ont une maison en colocation et puis ils ont un peu des bons alimentaires, etc., pour leur permettre de vivre. Donc ça, c'est si le gars n'a pas eu ses empreintes prises et s'il n'a pas demandé l'asile dans un pays européen. Par contre, s'il a demandé l'asile ou s'il a ses empreintes qui ont été prises, il y a toujours la possibilité qu'il soit renvoyé dans le fameux pays européen en question. Donc les Afghans, ça peut être la Grèce, ça peut être l'Italie. Les Africains, c'est souvent l'Italie. Et on en voit revenir comme ça. Parce qu'un jeune mineur qui est pris en charge dans une famille d'accueil en Angleterre, il va à l'école, il fait ses études, il s'intègre. Et puis arrivé à 18 ans, l'Africain auquel je pense, là, ils sont venus le matin à 8 h le chercher. Il dit, moi, je me prépare à aller à l'école, j'ai pris ma douche, tout ça, mon petit déjeuner, j'ouvre. La police, tu repars en Italie, tu as tes empreintes en Italie. Le gamin, il partait avec son petit sac à dos en Italie pour la faire revenir à Calais. Et il est repassé en Angleterre. Et là, bon, il sera clandestin. Parce que je sais que de toute façon, la situation est bouchée. À Calais, il reste combien de temps? Vous savez pas, les gens? Ils passent tous. Hein. Bon, ceux qui veulent aller en Angleterre, ils passent tous. Par contre, ça peut être très long. Si vous avez de l'argent, ça va plus vite. Si vous avez de la chance, ça va plus vite. Bon, il y a plein de concours de circonstances qui font que... Donc ça peut aller d'une famille avec de l'argent, c'est le soir ils peuvent être passés de l'autre côté, quand ils ont des enfants, etc. Ça j'ai déjà eu, ça c'est déjà fait. Par contre, il y a des gars, il y en a un le plus longtemps, ça fait un an et demi qui est là, un Africain qui est un peu perdu parce qu'il a demandé l'asile un peu dans tous les pays, il ne sait plus trop où aller. Et en plus il a fait une tuberculose, donc il a été vachement malade et puis... physiquement, c'est impossible qu'ils réessayent de monter dans les camions et tout. Donc, au bout d'un moment, il y a le découragement qui vient, et puis les conditions qui sont dures, et puis la peur de la police, et la peur de tout. Et voilà, donc il y en a qui restent très longtemps, mais ils passent tous, quoi. Alors, ils passent tous parce que, malgré le discours sécuritaire du gouvernement, il y a une sorte de laisser-faire malgré tout, ou comment on explique Il semblerait qu'il y a certains jours de la semaine où, effectivement, la sécurité regarde de l'autre côté. Ouais, ça arrive aussi, parce que, bon, quand il y a 40 ou 30 Afghans qui passent dans un camion, bon, c'est vraiment un gros coup de chance, là. Et puis c'est évident qu'ils sont tellement nombreux que par moment, eh ben, il faut évacuer un peu, sinon, ouais. Donc, s'ils en bénéficient, c'est bien, mais c'est, les contrôles au port ont été renforcés depuis les attentats de Londres. Ça a été vachement renforcé, ce qui fait qu'il y a le contrôle du gaz carbonique qui est expiré avec des sondes dont ils peuvent relever à l'intérieur des camions. Il y a les battements du cœur, il y a évidemment le contrôle. C'est le reportage qu'on voit à la télé. Ouais, voilà, bon, c'est exactement ça, quoi. Ouais. Donc il faut vraiment avoir du bol pour ne pas se faire, se faire repérer. Alors, il y en a qui bon, c'est à l'intérieur, il y en a quelques-uns, mais c'est rare, c'est au-dessus, et puis il y en a que c'est en dessous, sur les essieux. Les Kurdes ont assez l'habitude de faire ce genre de choses et ça peut se révéler très dangereux. Extrait d'un article du journal alternatif lillois La Brique, le 6 juin 2008. Calais, séjour en Absurdistan. On n'en finit pas de découvrir l'enfer de la nuit calaisienne pour ces jeunes hommes et femmes qui ont dû déjà traverser tant d'épreuves pour parvenir jusque-là. Calais est une terre d'écueil, un caillou dans la chaussure, la dernière barrière à franchir avant d'arriver au but. Et les moyens pour y parvenir sont limités. Il faut, chaque nuit, marcher vers les zones de parking, où les camions passent la nuit avant d'embarquer sur les ferries. Ce sont 2 heures de marche, puis la rencontre avec les passeurs, qui monnayent une place dans le chargement ou sur les essieux, entre 400 et 1200 euros. C'est aussi l'attente, puis les portes du fourgon qui s'ouvrent sur des chiens renifleurs. La police anglaise, l'échec. Très souvent, les migrants se trompent de camion et se retrouvent en Belgique, d'où ils doivent revenir à pied. Ou alors la police aux frontières françaises, tout simplement, puis le centre de rétention de Coquelles. Relâchés le matin, les migrants refont surface à la distribution, relativisant leur échec par un constat simpliste. No chance. Avant, sur Calais, ils pouvaient tous les matins aller à la sous-préfecture pour demander l'asile. Enfin, avant ça, juste après Sangatte, c'est la préfecture qui avait installé un bureau sur le lieu où on distribuait, où les assos distribuaient le repas de 2 heures. Il y avait un bureau de la préfecture où ils pouvaient avoir des informations sur l'asile. Il y avait un bus qui les attendait. Bon, le bus n'était pas plein, hein, loin de là, mais bon. Après, il fallait aller à la sous-préfecture de Calais, c'était tous les matins. Après, c'est devenu le mardi matin. Après, c'est devenu le mardi matin de 9 à 10 heures, je pense. Et maintenant, c'est terminé, il faut qu'il se rende à Arras. Et il faut qu'il ait une domiciliation d'une association. C'est-à-dire qu'il faut qu'une association puisse le prendre en domiciliation et que surtout l'association ait les autorisations de faire ça. Bah, nous, à Salam, on l'a demandé, c'est laisser nos lettres mortes malgré nos relances. Donc, il faut trouver quelqu'un, l'emmener à Arras, bon. Et un gars tout seul, il n'a aucune chance d'obtenir quoi que ce soit, parce que c'est tellement compliqué, rien que déjà de faire la démarche pour aller à Arras, c'est bon. Autre aspect sur justement leur situation concrète, tout à l'heure tu parlais d'un tuberculeux, comment sont-ils gérés s'ils tombent malades, c'est quoi le... Alors au niveau santé, il y a eu une grosse avancée quand il y a Médecins Sans Frontières qui est venu pendant tout un hiver. Bon, c'était déjà difficile, enfin ils ont réussi à venir, c'était déjà pas du tout dans les objectifs de cet assaut. Apparemment c'est l'international. Bon, ici à Calais, on est vraiment une zone de non-droit, on pourrait se retrouver en international. Bref, ils sont venus tout un hiver et en partant, ils ont voulu qu'il y ait quelque chose qui perdure après eux et ils ont négocié avec l'hôpital de Calais une cellule qu'on appelle la PASS, la permanence d'accès aux soins de santé. Et cette cellule-là, donc, c'est un bâtiment à part, qui n'est pas à l'hôpital, qui est plus loin, qui est dans un autre endroit, qui est réservé à tous ceux qui n'ont pas de couverture sociale, donc aussi bien les Français que les étrangers. Et bon, évidemment, 99,99% c'est les migrants. Toutes les après-midi de la semaine, pas le week-end, ils peuvent consulter ou un médecin, une infirmière, et éventuellement prendre une douche dans cet endroit-là. Donc nous, quand on les amène là, bon, là c'est pour, on va dire, c'est pour la santé normale. Quand il y a des gros problèmes, quand ça nous arrive le week-end, on les amène aux urgences. Donc quand ils sont accompagnés par quelqu'un d'une association, il n'y a pas de distinguo qui est fait. D'accord. Bon, maintenant, quand ils y vont tout seuls, c'est peut-être pas aussi évident. Mais sinon, ils suivent, ils ont les mêmes traitements, etc. Alors, il y a quand même un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de lit de convalescence et lit de suite. Alors, on parlait des tuberculeux. Ben, la fois dernière, je me suis retrouvée comme ça avec un tuberculeux qui avait passé une radio, il y avait une suspicion de tuberculose. Donc, ils m'ont demandé de l'emmener. Donc, je l'ai emmené aux urgences. Puis bon, voilà, le problème était réglé. Et le soir, quand je l'ai vu revenir, je lui ai dit, ça fait, tu t'es sauvée, t'as pas voulu rester. Non, non, il dit, regarde, je pouvais partir, regarde. En fait, il lui avait donné un papier, effectivement, suspicion de tuberculose. Il lui avait filé des antibiotiques pour 3 jours. Et ils avaient mis comme indication, porter un masque pendant 20 jours. Alors, je vous laisse imaginer un black à Calais avec un masque blanc, il ne manque plus que la cible dans le dos et c'était bon quoi. Et le gars a été relâché comme ça le soir même et il était de nouveau évidemment en contact avec les autres Africains et avec les bébés qui jouent beaucoup avec les passes de bras en bras, enfin je vous laisse imaginer. Et puis en plus la fatigue que ça entraîne, tuberculose. Bon. Mettre un masque c'est bien pour quelqu'un qui est français qui reste chez soi quoi. Mais là il n'y a aucun lit de convalescence. Hein. C'est pareil, un gars qui se casse une jambe, un pied, ben il béquille, il va dehors. Donc il n'y a pas de lit prévu pour eux. Ça manque énormément quoi, parce que la santé, ben, ça, c'est assez fragile quand même. Ils sont déjà fragilisés par le voyage. Parce que sans hygiène, bon, les organismes fatigués. Justement, là vous parliez du fait qu'on leur rend la situation impossible pour déposer une demande d'asile, c'est quasiment impossible. Est-ce que les flics français et les flics anglais, ils n'ont pas des objectifs contradictoires, quoi, tous les deux? Ah bah si, c'est clair, de toute façon la police française c'est le boulot des Anglais, parce que nous on est d'accord pour qu'ils partent, c'est les Anglais qui ne sont pas d'accord pour qu'ils arrivent. Donc tout ce qui est fait ici à Calais, bon, sa vie, de toute façon, elle est dégoûtée, elle est découragée, elle est fatiguée, elle est humiliée pour qu'il s'en aille de Calais. Puisque, encore une fois, quand M. Sarkozy il a fermé Sangatte, il a dit qu'il n'y a plus de migrants. Donc évidemment, c'était un raisonnement très politicien et nul, parce qu'évidemment qu'ils continuent à venir. Et, bon, avant, ils étaient quelquefois 1000 à Sangatte, maintenant, ils sont 700. La grosse différence, c'est qu'ils sont dans les rues, un peu partout, disséminés, dans des conditions pas possibles. À Sangatte, bon, c'était énorme. C'était un grand camp géré par la Croix-Rouge. Bon, il y avait des bons et des mauvais côtés, c'est sûr. Mais bon, là, ils n'étaient pas, pas dans la rue. Ils pouvaient dormir dans un lit, s'asseoir pour manger, voir un toubib, prendre une douche. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur l'historique? Parce que Sangatte, ça n'a pas été ouvert par hasard. C'est quoi la situation avant à Calais? Il y a toujours eu. Hein, sur Calais, de toute façon, on a tout. Comme on dit toujours, en face de l'Angleterre, il y a toujours eu, depuis tout temps, des clandestins, on va dire, qui passaient. Bon, il y a eu les Kosovars, du temps de Sangatte, c'était beaucoup de Kosovars. Après, il y a les Kurdes, etc. Et puis, de toute façon, l'immigration, c'est un enrichissement, on va dire, pour la France. Et nous, à Calais, on est en train de casser tous ces gens, de les faire partir vers l'Angleterre ou ailleurs, alors qu'on a la richesse carrément à côté de chez nous, richesse des cultures, et puis c'est... Donc voilà, bon, Sangatte c'était énorme, mais on ne pouvait pas fermer Sangatte sans faire autre chose après. Quoi. Nous, au niveau de Salam, ce qu'on voudrait, c'est des structures d'accueil plus légères que Sangatte, parce que de toute façon, c'est vrai que c'était gros et difficile à gérer. Mais où les gars pourraient rester 3-4 jours, s'asseoir, pouvoir manger à table, prendre une douche, voir un toubib, et puis pourquoi pas demander l'asile s'ils ont les conditions requises pour. Quoi. Le temps de se poser simplement, quoi, parce que c'est toujours dans l'urgence, ils sont toujours stressés, parce qu'ils ont toujours peur des cartes CRS qui tournent et qui. Voilà. Ils sont toujours en train de courir. Email d'Interlude Calais sur la liste de diffusion Z Pajol, le 7 septembre 2008. Lidl, le supermarché Discount, proche du terrain du repas des réfugiés, avait fait parler de lui en 2007. Il refusait les entrées en masse des réfugiés, la masse ne devant pas être supérieure à 2, le surplus attendant aux portes. Le patron de Lidl s'était défendu en prétextant une vente privée, le jour cité par les bénévoles. Ce samedi après-midi, 2 voitures du commissariat de police ont débarqué. Pourquoi ? Uniquement pour faire dégager un petit groupe de réfugiés afghans près de la porte, puis un autre groupe assis sur le muret. L'agent de sécurité d'origine tunisienne indiquait aux policiers le travail à faire, et ces derniers l'ont fait. Un réfugié statutaire a dû prouver qu'il avait des papiers en France pour avoir le droit d'entrer. L'année dernière, un policier du commissariat de Calais m'avait déclaré qu'une nouvelle loi interdisait l'entrée des réfugiés dans le magasin. En fait, il n'y a jamais eu de violence, il n'y a jamais eu de dégradation, de vol, etc. migrants contre Calaisiens. Tout simplement parce qu'ils n'ont aucune envie de se faire remarquer, parce que les associations sont là, enfin, étaient là pour certaines, pour leur donner à manger, des fringues, etc. Puis quand même, le collectif C'est Sûr nous expliquera plus tard qu'il s'était mis en grève de distribution des repas chauds, mais pas du reste du soutien, distribution de vêtements, de repas froids, de couvertures, nuitées d'hôtel, pour protester contre la politique violente de la mairie à l'égard des migrants. Alors les Calaisiens, il y a ceux qui les voient, puis qui ne les voient plus, parce qu'ils les ont trop vus, puis qui font partie du paysage, parce que c'est vrai que bon, bah, on les voit tout le temps dans la ville, bon, ils sont là. Alors il y a ceux qui aident discrètement, qui ouvrent un garage l'hiver pour qu'ils se mettent au chaud, qui déposent discrètement de la bouffe à gauche, à droite, bon. Et puis, il y a ceux qui s'en fichent, mais enfin, bon, ils ont d'autres problèmes. Il faut quand même savoir qu'à Calais, il y a 17% de chômage, que toutes les entreprises ferment les unes après les autres, que ce qui était le fleuron, la dentelle, bah, sont en train de couler d'une manière désespérée. Et que bah, les Calaisiens ont quand même pas mal de problèmes déjà à gérer pour finir le fin de mois, etc. Et que par contre, quand on a besoin de solidarité, on l'a vu avec le Kurde irakien pour lequel on a lancé une souscription pour sa prothèse, et bah, on a eu plein de petits chèques, bon, 5-10 euros de Calaisiens. Je vous rappelle ce que je voulais vous demander. C'est en fait, là, la mairie, elle soutient beaucoup Salam parce que je menais une action que la mairie elle-même ne mène pas. Donc, c'est une action qui est nécessaire pour la ville. Mais par contre, la police n'est pas particulièrement tendre avec vous. Ah non, bah non, ils font. Il y a une contradiction au niveau de l'État sur. Mais il y a plein de contradictions. Ouais. Pourquoi les arrêter? Pourquoi les frapper, les gazer, les matraquer pour les emmener au centre de rétention, à l'hôtel de police de Coquelles? Ils ne sont pas expulsables. Donc on ne peut pas les renvoyer chez eux. Donc on les fait ressortir. Et c'est comme ça toute la journée. C'est toujours cet engrenage-là. Bon, la mairie a une autre optique aussi. Elle les considère, disons dans les conditions climatiques comme ça, comme des sans-abri. Pour elle, ce n'est pas des migrants, c'est des sans-abri. Ils doivent être traités comme les gens sans-abri qui peuvent appeler le 115, le SAMU social. Sauf que bon, bah, nous, quand on appelle le 115, si le gars n'a pas de papier, il n'y a pas de place. Apparemment, ça va changer. La mairie s'est engagée à ce qu'on puisse avoir des lits également pour les étrangers. Mais c'est bon, ils ne sont pas autrement que les autres. Ils ont froid aussi, ils ont des problèmes de santé. Il y a vraiment des soirs où on devrait. De toute façon, bon, on trouve d'autres solutions, mais on doit les mettre au chaud. Sinon, ça. Et on a toujours peur, nous, le matin, qu'il y en ait un qui, comme dans la région parisienne, enfin, même à Paris, passe pas la nuit. Et bien souvent, ils me disent bah, nous, on marche la nuit parce qu'il fait froid, parce qu'on n'ose pas on peut pas se poser parce qu'il fait trop froid. Donc, on marche, on se dépense, etc. Mais tout est paradoxal. À quoi ça sert de, bon, d'accord, contrôler s'ils ont des papiers encore. Bon, c'est d'accord, ça je peux comprendre. Mais à quoi ça sert de les gazer, les matraquer? Bon, il y a une semaine, les déplacer encore plus loin, ouais, parce que près de la frontière belge, ou alors à Mulhouse, Strasbourg, en se disant, bah, il y a l'Allemagne de l'autre côté. Il y en a même qui ont été envoyés à Toulouse dans des centres de rétention en avion. Le gars, il dit, c'est la première fois que je prenais l'avion. Bah, j'étais, t'es où? Il me fait voir le papier de Toulouse. Il dit, bon, alors après, il faut qu'ils reviennent. Alors évidemment, quand ils n'ont pas l'argent, c'est plus compliqué de reprendre le train, etc. Mais ils reviennent de toute façon. Quoi qu'il se passe, on a bien vu que même quand il y avait des arrestations massives, ils revenaient quand même. Hein. Non, mais tout est fait pour vraiment les user, les traiter plus bas que terre. C'est pas des êtres humains. Hein. Les gazages et matraquages, c'est tous les jours? Bah ouais, c'est malheureusement très régulier. Ouais. Là, il m'expliquait qu'il y en avait 10 Afghans qui avaient été surpris sur le port. Donc les CRS étaient intervenus, ils les avaient embarqués. Ils les ont fait sortir derrière la jungle, un par un, et ils ont tous matraqué un par un. Bon, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un monsieur sans papier, illégal? Qu'est-ce que vous faites? Bah, vous n'avez pas porté plainte, vous ne pouvez pas vous défendre, vous encaissez. Et vous vous dites, bah, si c'est ça la France... C'était quand même la patrie des droits de l'homme. Quand on en parle, on y a en Afghanistan ou ailleurs, c'est quand même un pays civilisé, avec quand même une certaine aisance financière. Et puis bon, un pays démocrate, quoi. Et bon, certains actes de CRS sur Calais, ça pourrait être assimilé à certains actes qu'ils ont vécus en Afghanistan, hein, ou ailleurs. Et ça, c'est grave. C'est grave. Nous, bah, on continue à dénoncer. Eux, ils n'ont pas les moyens. Alors bon, il y a toujours le... On dénonce, mais on se méfie quand même toujours, parce qu'on a toujours peur que ça se retourne contre eux. Il y a plusieurs arrestations. Bon, quand on s'arrête et qu'on les voit se faire arrêter, bon, d'abord, il y a de la provocation envers nous, les gens de l'association. Et puis, on a peur qu'après, il y ait des vengeances qui s'exercent contre les migrants qui ont été interpellés. Ça m'est arrivé une fois, je me suis opposée à une arrestation, un gars qui avait le pied cassé, qui était avec des béquilles, qui courait, et puis évidemment, enfin, il courait, il béquillait vite, on va dire. Et bon, ils l'ont quand même emmené et il m'a expliqué après qu'il avait dû béquiller une heure de plus parce qu'il l'avait emmené à l'autre côté de Calais et pas au commissariat de police où il y a un bus pas loin. Donc on est toujours pris entre deux feux, quoi. Il n'y a jamais eu un rapport de force par rapport aux flics un peu favorable à, aux migrants? Vous n'avez jamais réussi à peser sur... Non, il y a eu en 6 ans, il y a eu quand même deux manifestations qui étaient à l'initiative des migrants. Parce que on avait discuté avec eux, puis c'était vraiment des arrestations et puis des actes qui étaient vraiment ignobles. Et ils en avaient vraiment marre et ils voulaient faire quelque chose. Et nous, on leur expliquait qu'on faisait le maximum, qu'évidemment diffuser ce qui se passait, etc. Mais que ça n'avait quand même pas la même portée si c'était eux, quoi. Et ils ont pris l'initiative de manifester. Donc nous, on les a aidés. Enfin, on est allés avec eux, quoi. On était présents, mais c'était eux qui portaient cette lutte-là, ce combat-là, pour essayer de faire calmer les choses. Et quand on parle des flics ici, c'est qui? C'est la police municipale? C'est les CRS? Non, la police municipale n'intervient pas. Moi, intervenu une fois, mais je pense que c'était un accident. C'était pas voulu. Par contre, non, c'est les CRS donc qui sont sous la responsabilité de la police aérienne et frontière de Coquelles. Il y a une compagnie ennemie de CRS qui est affectée aux migrants sur Calais. C'est tout le temps la même compagnie, donc c'est tout non, le temps non, la même. Non, non, non, non, non, c'est jamais la même. Enfin, ça revient, mais c'est par rotation. Non, non, ça change énormément. Faut pas s'habituer. Hein. Faut pas être gentil au bout d'un moment. Non, mais de toute façon, pour avoir plusieurs fois discuté avec les représentants de la PAF, ils en sont conscients aussi que parmi les CRS, il y a des racistes, il y a des gens qui outrepassent ce qu'on leur autorise. À partir du moment où ils sont pas sanctionnés, pourquoi se gêner? Thank you. Yeah. Avec Sylvie, on se rend à la jungle, où se trouvent tous les Afghans, et puis selon les périodes, des Iraniens, des Kurdes, des Égyptiens. La jungle, en fait, c'est le nom un peu générique pour tous les endroits, les sous-bois qui les sont traités. Les bois, quoi, où ils sont. Ouais. Il y en a beaucoup autour de Calais. C'est tout ici à l'intérieur d'usine d'usine de piment pour la peinture. Ils sont aussi à l'intérieur de cette usine qui devrait être protégée, etc. Mais où on accède facilement. Comme c'est plein de buissons, ils se planquent là. Alors bien souvent les policiers viennent, ils se restent, ils les font sortir, ils reviennent. Il n'y a pas longtemps ils avaient tout détruit dans les flics en passant ici. Ouais. Régulièrement, ils foutent le feu aussi, ça, ils sont assez doués. Ils foutent le feu ? Ouais, les CRS foutent le feu. Your situation is very The recording key also. Police. Difficult. Oh, it's very difficult. Yes. Police and cold. And not clean. Yes, difficult. For sleep, for sleep, food, for clothes. Yes, and very difficult. On parle avec un premier jeune homme dans la jungle, un Afghan de 16 ans. Guillaume lui dit, ça doit être dur ici avec la police, le manque de nourriture, le manque de vêtements. Et lui répond, oui, c'est dur, on ne peut pas se laver. Here, 3 months. Yes, yes. Yes. And did it cost a lot of money for you to come here? Yes. Il me dit que ça fait 3 mois qu'il est à Calais. Je lui demande si ça a coûté beaucoup d'argent pour venir ici. Il me dit oui. In Afghanistan is a problem. Taliban. Taliban problem. No, that just one Taliban problem. In America, for Afghan people problem. And one bomb blasted one city. And American aeroplane came in and all city bomb. Et pourquoi il est venu? Il me dit, en Afghanistan, il y a un problème de talibans et d'américains. Un jour, une bombe a explosé dans une ville, et puis les avions américains sont venus et toutes les villes ont été bombardées. I have one brother in small, one mother. Yes, my father killing Taliban. Yes. Il me dit qu'il est le seul de sa famille à Calais. Que son père était docteur et qu'il a été tué par les talibans. Yes. Qu'il veut aller en Angleterre parce qu'il y a des bonnes possibilités de travail. England is a good jobbing. Et que Calais c'est trop dur, qu'il n'y a pas à manger. No food. It's cold and it's very difficult. And un jeune garçon vient prendre part à la conversation. Je lui demande quel âge il a. Il me dit 9 ans. Yes. Afghanistan very problem, Taliban problem, in American police problem. How old are you? 9. 9. And did you come with your family or? No, no family. My family is in the Afghanistan. One brother, one mother. My father is Taliban. Killing. Il dit qu'il est tout seul ici, son père a été tué par les talibans et qu'il lui reste en Afghanistan, sa mère et un frère. Il dit qu'il veut aller à l'école en Angleterre, qu'en Afghanistan c'est pas possible. No school, no job is very difficult Afghanistan for Afghan people. Yes, and very difficult. No, I'm going to school. Taliban say not going to school. Why and going to school? Le plus âgé reprend. En Afghanistan, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de travail. C'est très dur pour les Afghans. Les talibans ne veulent pas qu'on aille à l'école. Il dit Afghanistan schools. Everybody going in Afghanistan schools. And Taliban come in when bomb blasted in 5%, 6%, 8% burn. Injury, killing, yes, children, Taliban, and my brother killing. Is go school, in the school, killing. Le plus jeune dit que les écoles ont été bombardées et que son frère y est mort. He said, in small boys in Afghanistan, Taliban killing. Yes. You go school and Taliban go, the children is killing. Il dit, les petits garçons sont tués par les talibans. Tu vas à l'école, tu te fais tuer par un taliban. Je leur demande comment ça se passe avec la police française à Calais. And here in the jungle, or in Calais, what can you say about the police, French police? And French police every time come in morning here. 5, 8, 1, 2% kitchen police station, and 24 o'clock stay here in police station, and 24 o'clock up to and go back here in Jungle. Le plus âgé me dit, ils sont là tous les matins. Ils prennent 1, 2, 5, 8 personnes et ils les emmènent pendant 24 heures au commissariat. Et après, il les laisse revenir ici. Et puis comme Guillaume est en train de lui expliquer qu'on veut parler du problème de la police pour qu'il puisse se défendre contre elle, un des hommes qui nous entoure crie par plaisanterie. Et puis le jeune Afghan conclut en nous disant I want home. I want to I want shower. Yes, I want shower. I want clean and jungle not clean and very difficult. Jungle not clean, sleeping difficult. This house in sleeping is very problem. I want home. I want shower. I want clean. Yes. Je veux une maison. Je veux pouvoir prendre des douches. Je veux être propre. La jungle, c'est pas propre. On peut pas dormir. Regardez où on dort. Et il nous désigne une des minuscules cabanes qu'on trouve dans la jungle, faites de bâches en plastique et de palettes en bois, qui font pas plus de 2 mètres carrés. Il nous dit c'est pas possible de dormir là-dedans. Afghanistan, passport. Afghanistan is Afghanistan, no problem. Afghanistan, border with Pakistan. Shakar. This is flattened and Obama de Afghanistan. Shakar. You, he said, you go in Afghanistan. Ah, okay. Okay. Okay. What else is he? Yeah. Il y a une quinzaine d'hommes réunis autour d'un petit feu de bois. Ils ont tous moins de 40 ans. On en entend d'autres qui s'interpellent loin dans les bois. Hi, Gulsan, me yardi gore radrome. Hi, Gulsan, me yardi gore. Je discute avec un autre jeune homme. Quel visage triste. Il me dit qu'il était étudiant en Afghanistan, qu'il ne sait pas quel métier il veut faire, mais qu'il veut continuer à étudier parce qu'il aime les études. No job. I was a student. Yeah. First year. Okay. Yeah. First year in what? What job do you want to have? I don't know. You want to study in England or? I want to study there. Yeah. Yeah. Because I like education. Il me dit que ça fait 5 mois qu'il est parti d'Afghanistan et qu'il est sans famille ici, mais qu'il a ses amis. When did you leave Afghanistan? 5 months ago. 5 months. Yeah. Okay. And you're the only one in your family? Yeah, I am alone here. You're alone. Oh, and they are my friends. Yeah. Je lui demande ce qu'il pense de la situation pour les demandeurs d'asile en France. In France for refugees or for people like you? France is very good country, and the people is very good. But sometimes police is very big problem about us. La France c'est un bon pays, les gens sont bien, mais la police est un gros problème. I don't know. They catch us and they're in take us in police station and after that 10 minutes or 30 minutes stay there and. Il me dit je comprends pas pourquoi ils sont comme ça. On est en train de dormir, de manger, on est assis et ils viennent nous attraper. Ils nous emmènent au commissariat. Ils nous gardent 10 minutes, une demi-heure et puis ils nous relâchent, il faut revenir ici. Il faut marcher et c'est très loin d'ici. So I appeal to the people of France that help us and solve this problem. Il conclut, alors je fais un appel aux gens ici en France qui nous aident, qui résolvent ce problème. I don't know how you can, but try to help us. Je ne sais pas comment, mais essayez de nous aider. What's your name? Mehboob. Okay, nice to meet you too. Thank you. Email d'Interlude Calais sur la liste de diffusion Z Pajol le 20 avril 2008. Un réfugié avait été interpellé avec d'autres sur le terrain du repas le 17 avril après-midi. Refusant de signer des déclarations qu'il n'avait pas tenues, le policier les faxe aussitôt à la préfecture. Doté d'un APRF, mis au centre de rétention, il est passé au TGI à Boulogne-sur-Mer. Les policiers qui ont dressé le PV ont travesti tellement la vérité que cela n'a échappé ni à l'avocate, ni au juge des libertés. Ainsi, pour justifier le contrôle d'identité qui avait précédé à l'interpellation, puis à la mise au centre de rétention administrative, les policiers avaient menti aussi bien sur le lieu de l'interpellation que sur le motif du contrôle. On apprend entre autres par la bouche du juge que « être sur la chaussée n'est pas un motif de contrôle d'identité ». Et donc logiquement, les CRS n'avaient pas le droit d'intervenir sur le terrain du repas pour contrôler les identités. Au mois d'octobre, les CRS avaient soudain sauté de leur car pour interpeller des réfugiés qui discutaient sur le trottoir. Mise en garde à vue, j'ai pu entendre que les CRS prétendaient les avoir vus boire de l'alcool pour justifier leur intervention. J'avais eu enfin la preuve du caractère illégal des contrôles d'identité des réfugiés. Le soir, on est allé à la distribution du repas, qu'est Paul Devaux. Le long d'un hangar, plusieurs centaines d'hommes jeunes, transit froid, patientaient en deux files. Et tout au bout, sur la rampe de livraison, une table avec de grandes gamelles. Une fois la ration prise et le verre d'eau rempli, ils allaient s'asseoir par terre un peu plus loin, pour manger. Le lendemain, on découvrirait que ce hangar fermé abritait une chaufferie, et que de l'autre côté, le long d'un bassin portuaire, des dizaines d'hommes dormaient dehors dans des sacs de couchage. C'était donc la première partie de Calais l'exil, un documentaire sonore réalisé avec Guillaume Yom. Cette émission sera rediffusée mercredi à 10h sur FPP, et vous la retrouverez en ligne avec de la documentation sur www.intempestive.net. Quant à la seconde partie du documentaire, ce sera pour le jeudi 29 janvier. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.